bien qu'un jour tu saches se décider est une lourde tâche. Tout voir grandir sans port d'attache, on va tout faire pour pas que tu te fâches. La vie est rude, pleine d'aventures dans ce monde secret. Choisis ton chemin, cœur au-dessus, l'ange protecteur est aux aguets. Dans ce vacarme où allons-nous? La vie est rude, pleine d'aventures dans ce monde secret. Choisis ton chemin, cœur au-dessus, l'ange protecteur est aux aguets. Allume la flamme pour éclairer ton cœur. Toi seul tu gagnes. Personne n'a le droit de te barrer la voie, car il n'y a pas de frontière, oui j'y crois. La tête haute, tu dois avancer, d'autres ciseaux sans même essayer. Abandonner n'est pas vraiment souhaité, car le courage est souvent bien payé. La vie est rude, pleine d'aventures dans ce monde secret. Choisis ton chemin, car au-dessus l'ange protecteur est aux aguets. Allume la flamme pour éclairer ton cœur. Toi seul tu gagnes. Personne n'a le droit de te barrer la voie, car il n'y a pas de frontière, oui j'y crois. Des cris de haine et de joie que tu traîneras, t'affirmer dans ce monde sans faire le mauvais pas, bien se tenir comme une ombre. Garde ta colère, mon enfant, bien au fond de toi.